Section 16 de la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 16. Le marché. Farjou, depuis la mort tragique de sa fille, avait quitté la loge de Lamar et renoncé à ses fonctions, dont il s'était du reste toujours fort mal acquitté. L'opinion commune lui reprochait d'avoir été la cause première du funeste événement et malgré son repentir apparent, on ne prenait pas la peine de lui cacher l'aversion qu'il inspirait. Néanmoins, soit que Mademoiselle de Barjac eut égard aux recommandations dernières de Marion, soit qu'une influence mystérieuse fut intervenue en faveur de l'ancien garde général. Il n'avait pas été honteusement congédié, comme son indigne conduite eût semblé le mériter. Loin de là, on lui avait donné une retraite au château. Il exerçait une sorte de surveillance sur les autres domestiques, et il était employé aux occupations les moins pénibles. Sa vie eût donc été fort douce dans sa position nouvelle, si le mépris qu'on lui témoignait en toutes circonstances et peut-être des remords secrets n'eussent troublé son esprit. Même au physique, Farjou avait subi un changement complet. Son teint fleuri d'autrefois avait disparu. Son embonpoint luxuriant s'était affaissé. Ses yeux étaient mornes et éteints. Au lieu de son bel uniforme de garde, il portait maintenant une sorte de livrée grise qui flottait sur son corps amaigri. Tout en lui attestait le dépérissement, l'humiliation, l'abandon de soi-même. Cependant, il ne fallait pas de longues observations pour reconnaître que le chagrin n'avait pas rendu cet homme meilleur. Son humeur semblait même s'être aigrie davantage, et sa haine contre les autres s'accroissait de tout son mépris, de toute sa haine contre lui-même. Quand le gris entra dans la cuisine, Farjou, qui était assis au coin du feu, se leva et salua d'un air sombre. Le jeune bourgeois prit avec lui ce ton familier et protecteur qu'il avait appris de La Roche-Boisseau, son patron. « Bonjour, bonjour, maître Farjou, » dit-il avec empressement. « Ravi de vous voir. Mais passons dans le petit salon. Nous serons plus à l'aise pour causer. » Et Madame Richard voudra bien nous y faire servir deux bouteilles de son meilleur vin, à l'instant même. N'est-ce pas, Madame Richard ? L'hôtesse était fort surprise. Aussi fière avec les inférieurs que plat et complaisant avec les gentilshommes, le gris n'avait pas l'habitude de traiter ainsi les gens de la condition de Farjou. Mais l'ami du baron ne parut pas remarquer l'effet produit par cette dérogation à sa fierté habituelle. Il entra dans la pièce voisine et Farjou le suivit machinalement. Bientôt, l'un et l'autre se trouvèrent assis devant une table où figuraient les flacons demandés. Le gris commença par accabler le messager de questions sur tous les habitants de Mercoir, pour lesquels il affectait une extrême affection. On lui répondait d'un ton laconique, froid, et l'on semblait se tenir sur la défensive. Fatigué de cette réserve irritante, il saisit une bouteille et remplit les verres d'une liqueur dorée, qui répandit un parfum délicieux dans toute la salle. « Allons, père Farjou, » dit-il d'un ton engageant, « vous devez être fatigué de cette course matinale. Vous ne refuserez pas de me faire raison, je pense. Merci, monsieur. Je me suis promis de ne plus boire de vin. Bon, pour le méchant vin de vos cabarets de village, mais celui-ci est du Saint-Péret, voyez-vous, et le Saint-Péret de Madame Richard est en réputation dans toute la province. Goûtez-en, vous dis-je. Une fois n'est pas coutume. Que diable ! » Farjou détourna la tête en répétant son refus. « À votre aise, » dit le gris. Il porta son verre à ses lèvres et parut déguster longuement le précieux nectar. L'ancien ivrogne demeura impassible. La conversation continua. L'un ne se lassait pas d'interroger. L'autre répondait brièvement et par monosyllabes. Le gris apprit ainsi que Mademoiselle de Barjac, fidèle à ses bonnes résolutions, n'avait pas revêtu une seule fois son costume d'Amazone depuis la dernière battue dans les bois de Mercoire, qu'elle ne montait plus à cheval, qu'elle ne sortait plus sans être accompagnée de Magnac et de plusieurs domestiques, qu'elle vivait solitaire, qu'elle paraissait triste. Or, malgré l'intérêt de ces détails, il n'en était pas plus avancé quant au but de la mission qu'il avait reçue. Il cherchait un moyen d'aborder habilement la question. Mais, soit hasard, soit calcul, Fargeau ne lui fournissait pas l'occasion désirée, et le temps s'écoulait sans amener aucun résultat. « Il faut qu'on lui ait fait sa leçon, » pensait le gris, « ou bien qu'il soit véritablement converti. Du diable, si je sais comment je dois prendre ce vieux bourru !» Fargeau, ennuyé sans doute de ce bavardage inutile, finit par se lever. « J'ai répondu à tout ce que vous m'avez demandé, monsieur Legris, » répondit-il. « À votre tour, vous me permettrez bien de m'acquitter de mon message. Devrais-je annoncer à mes maîtres que monsieur de la Roche-Boisseau est toujours en bonne voie de guérison ?»« Vous pouvez même leur annoncer qu'il est complètement guéri. Mon noble ami parle déjà de monter à cheval. Cela fera plaisir à monsieur de Magnac, qui a grande impatience de savoir monsieur le baron entièrement remis de sa blessure. Et pourquoi donc, Fargeau ? Je ne sais pas. Et vous aussi, monsieur Legris, vous êtes frais et dispo. Vos soins ne doivent plus être nécessaires à monsieur le baron, puisqu'on dit que vous allez et venez sans cesse dans le pays. Ah, ça ! Demanda le gris d'un air de malaise. « Est-il bien vrai que le chevalier s'informe aussi de moi ?»« Je crois bien. Il s'occupe de vous comme de monsieur La Roche-Boisseau lui-même. Et il s'enquiert des plus petits détails sur l'un et sur l'autre. C'est trop d'honneur. La vérité est, mon cher Fargeau, que le baron ne se ménage pas assez et que les forces reviennent avec lenteur. Si je n'étais là pour veiller constamment sur lui, pour l'empêcher de commettre des imprudences. Ne vous pressez donc pas de donner des nouvelles favorables à cet excellent chevalier. Par exemple, j'espère bien que dans une quinzaine, La Roche-Boisseau pourra se tenir debout et que moi-même, je serai délivré de tout souci à son égard. Le gris comptait sans doute qu'avant l'expiration de ce délai, son ami et lui auraient quitté Langogne et le voisinage de Mercoire. « Il suffit, » reprit Fargeau, « je m'acquitterai soigneusement de ma commission. » Et il allait sortir. Le gris, un moment déconcerté par l'intérêt un peu trop vif que le chevalier de Magnac prenait à son sort, fut brusquement rappelé au sentiment de la situation présente. « Un moment encore, mon brave homme, » reprit-il affectueusement. « Je remarque en vous un fond de chagrin qui m'afflige. Je connais vos malheurs, et quoique nous soyons de conditions différentes, » il appuya sur ces derniers mots, « je voudrais vous donner quelques consolations. Voyons, père Fargeau, d'où vient donc que vous êtes changé à ce point ? Est-ce que vous ne serez pas heureux à Mercoire ? Est-ce que l'on n'aurait pas, pour votre infortune, tous les égards qu'elle mérite ?» Ce langage amical eût dû produire une vive impression sur Fargeau, qui n'était pas habitué à s'entendre adresser des paroles de sympathie. Cependant, il répondit avec amertume. « Des égards, monsieur ? Et quels égards voulez-vous qu'on ait pour moi ? Tout le monde, là-bas, m'accuse et me méprise. On m'a recueilli au château, mais c'est par pitié et peut-être en considération de la pauvre défunte. On ne m'aime pas. Je crèverais comme un chien derrière un buisson, que personne ne me plaindrait. Ensuite, poursuivit-il d'un ton farouche, n'ai-je pas mérité tout cela, et peut-être pis ? Et pourquoi donc ? Est-ce votre faute si la chère enfant s'est obstinée à courir vous chercher dans les bois, malgré les instances de Grand-Pierre ? Avez-vous fait, avez-vous dit quelque chose pour la pousser à cette imprudente démarche? Il n'y a là qu'un déplorable accident qu'il serait injuste et absurde de vous imputer. Le croyez-vous, monsieur? Est-ce bien là votre pensée? Reprit Fargeot en se redressant avec une indicible expression de joie. Je me suis dit cela déjà, mais les autres, et surtout le curé de Mercoeur, prétendent au contraire. Rasseyez-vous et causons comme de bons amis. Ceux qui cherchent à vous tourmenter ont peut-être leur raison pour en agir ainsi. Mais des gens sans passion, comme moi, ou comme mon digne ami, M. Laroche-Boisseau, ne peuvent que vous plaindre. Le seul coupable est ce maudit animal que nous allons rechercher et combattre à outrance quand le baron sera rétabli. « Oh, permettez-moi de vous aider. Je vous aiderai, » s'écria Fargeot avec chaleur. « Je puis vous fournir les moyens de surprendre cette exécrable bête. » Ainsi donc, poursuivit-il d'un ton différent, « Monsieur le baron trouve que je n'ai rien à me reprocher dans l'effroyable événement qui m'a privé de ma fille. Il faudrait être bien stupide ou bien méchant pour penser le contraire. Mais je vous le répète, Fargeot, on s'est étudié à vous inspirer de pareilles idées pour en tirer quelque profit. Que me parliez-vous donc du curé de Mercoeur qui aurait cherché à troubler votre conscience par des reproches immérités ? Oh, vous avez raison, monsieur, dit le garde avec une expression haineuse. Ce prêtre attendait quelque chose de moi, et j'ai maintenant la certitude qu'il agissait à l'instigation des moines de Frontenac. Mais, quoique je fusse à moitié fou de douleur, je me suis montré aussi rusé que lui, et il n'a pas obtenu ce qu'il convoitait. Et que convoitait-il, mon cher Fargeot ? Rien, rien, monsieur. Le gris comprit qu'il ne devait pas aller trop vite et qu'il atteindrait plus sûrement son but en redoublant d'adresse et de patience. « Je conclus de tout ceci, Fargeot, » reprit-il doucement, « qu'on ne vous traite pas bien là-bas, à Mercoeur, et je vous conseillerais de quitter le château sans retard. Sur ma foi, on finirait par vous rendre complètement fou. Déjà, vous n'êtes plus reconnaissable. Vous, si bon compagnon autrefois, si joyeux convive, vous vivez comme un loup. Vous ne riez plus, vous ne parlez plus. Vous avez le teint blême et les joues creuses. Voyons, Fargeot, êtes-vous un homme ? Déridez-vous donc, morbleu. Tenez, ajouta-t-il en remplissant les verres, je vous propose une santé que vous ne refuserez pas cette fois. À votre charmante maîtresse, la noble demoiselle de Barjac, et à l'humiliation des intrigants qui l'entourent. En même temps, il présentait le verre plein à Fargeot qui le prit. « Je ne peux refuser une pareille santé, » répliqua-t-il. « Mademoiselle avait d'excellentes intentions pour ma fille, et quoiqu'elle ne m'aime pas, elle vous plaindrait, Fargeot, si elle n'était obsédée continuellement par les créatures de Frontenac, et celles-là, puisse Dieu ou le diable les confondre. « Amen, de tout mon cœur, » répliqua Fargeot, et il vida son verre. À partir de ce moment, il sembla que le père de Marion devint un autre homme. L'habileté perfide du tentateur avait enfin triomphé de ses remords, partagés jusque-là entre le mal et le bien. Fargeot retombait dans le mal de toute sa hauteur. Une conversation à voix basse, mais fort animée, s'établit entre les deux nouveaux amis. Fargeot, renonçant à sa taciturnité, paraissait avoir recouvré ses instincts astucieux d'autrefois. Mais si certaines propositions l'effarouchaient et éveillaient ses scrupules, le gris redoublait de verve, d'éloquence, et il ne pouvait résister. D'ailleurs, des rasades succédaient aux rasades. Fargeot, le premier verre vidé, ne s'arrêtait plus et cherchait dans l'excellence du vin un dédommagement à sa longue abstinence de toute liqueur spiritueuse. Les deux bouteilles de Saint-Péray étant vides, on en demanda d'autres, puis d'autres encore. L'amphitryon prêchait d'exemple et ne s'épargnait pas de lui-même, si bien qu'à la fin de la séance, il était presque aussi échauffé que son compagnon. On devine le résultat de cet entretien. Peu à peu, une harmonie complète s'établit entre les deux buveurs. L'or qui remplissait la poche de l'un passa en différentes reprises dans celle de l'autre. Bientôt, Farjo, à son tour, tira de sa veste un portefeuille gras et du portefeuille un papier qu'il remit à Legris. Celui-ci, après avoir jeté un coup d'œil sur cette pièce, manifesta une joie extraordinaire. Enfin, Farjo se leva en chancelant. « Allons, c'est à merveille, et vogue la galère !» s'écria-t-il. « Je ne veux plus être triste, ma foi. Je veux encore me donner du bon temps. Le chagrin tuerait un chat, mille tonnerres. Eh bien, monsieur Legris, c'est entendu. Je retourne à Mercoire, leur donner congé. Puis, j'entrerai au service de monsieur le baron. Et nous nous mettrons tous à la recherche de mon ancien valet Jeannot, dont le témoignage est si important dans cette affaire. Je me charge de le faire jaser malgré sa folie. Et de plus, il nous aidera sans doute à rejoindre cette infernale bête du Gévaudan qui a dévoré. Mais il ne faut pas penser à cela. Un mot seulement. Legris, êtes-vous sûr que monsieur le baron ne vous désapprouvera pas? Il tiendra toutes mes promesses, père Farjo. Je vous en réponds. Et s'il faut l'avouer, c'est en son nom que j'agis. C'est son or qui sonne maintenant dans vos poches. Partez donc et hâtez-vous de revenir. En attendant, un dernier coup à la santé de votre nouveau maître, le baron de La Roche-Boisseau. Oui, oui, à la santé de monsieur le baron, s'écria Farjo, qui vida son verre résolument. Et puisse-t-il couvrir de honte ces scélérats de moines, y compris cet hypocrite de prieur qui a pris des airs si orgueilleux avec moi. Ah, ah, l'on saura maintenant de quel bois je me chauffe. Et les autres, là-bas à Mercoire, comme je vais les remettre à leur place. Et ce grand grippe-soleil de chevalier, avec ses mâchoires en casse-noisette, et cette vieille bégueule de sœur Magloire, et ces fainéants de laquais, comme je vais les rembarrer, leur faire envie avec mon or. Il me tarde de voir cela. Tenez, je veux partir. Je pars. Ah, Legris, s'écria-t-il avec attendrissement, en versant des larmes vineuses. Vous êtes mon bienfaiteur, mon camarade, mon meilleur ami. J'étais aveugle, imbécile, malheureux. Tu m'as ouvert les yeux et l'esprit. Tu m'as remis la joie dans le cœur. C'est entre nous désormais, à la vie, à la mort. Il faut nous séparer maintenant, mais je reviendrai demain, et nous ne nous quitterons plus. Que de bonnes parties nous allons faire ensemble. Allons, viens m'accompagner. Je veux que tu me voies monter à cheval. On ne devrait plus quitter ses amis, mon bon Legris. Tout en parlant, il avait passé son bras sous celui de son compagnon de bouteille, et il l'entraînait vers la porte. Ils traversèrent ainsi la salle basse de l'auberge, où se trouvaient la veuve Richard et les gens de service. Legris, comme nous le savons, était vêtu avec une extrême élégance. À son chapeau galonné d'or, à son habit de soie, à ses dentelles, à ses nœuds d'épaule, on l'eût pris pour un véritable gentilhomme. Farjo, au contraire, avec sa tournure commune, sa face ignoble et son costume terne, offrait le type de l'ivrogne du plus bas étage. Aussi, quoique l'un et l'autre eussent également les vêtements débraillés et la face enluminée, ce rapprochement inspira-t-il le plus vif dégoût à la belle hôtesse et à ses servantes. Sans s'inquiéter de cette muette désapprobation, ils gagnèrent la cour de l'auberge, où Farjo retrouva le vieux cheval poussif qui l'avait amené. On entendit encore échanger quelques paroles amicales et des recommandations. Puis le voyageur se hissa péniblement sur sa monture et partit en chantant son refrain favori. Le frère buvait comme quatre et le prieur comme dix. Une minute après, le gris accourait d'un pas titubant pour rendre compte à la Roche-Boisseau du résultat de sa mission. Le baron, qui achevait de déjeuner, fronça d'abord le sourcil en voyant l'état où se trouvait son confident. Mais quand le gris lui eut raconté les détails de son entrevue avec Fargeau, surtout quand il lui eut montré le papier important dont le garde avait refusé de se dessaisir jusqu'à ce jour, la Roche-Boisseau ne put modérer ses transports. « Cette fois, je les tiens !» s'écria-t-il impétueusement. « J'ai là de quoi faire entrer sous terre ces moines insolents. Une accusation d'assassinat, quelle bonne fortune! La menace de publier ces abominations suffira seule pour les décider à me restituer les domaines de Varinas. Et quel beau rôle je jouerai! J'aurai l'air de poursuivre seulement la vengeance de mon jeune cousin assassiné. Ma colère et ma haine contre ces gens-là ne pouvaient souhaiter mieux. Divinement manœuvré, maître Legris, vous ne vous êtes pas épargné dans la bataille, à ce qu'il paraît. Aussi, tant de bravoure me désarme, et vous aurez votre part dans la victoire, je vous le promets. Que Fargeau nous donne l'occasion de tuer la bête de Gévaudan, et la belle châtelaine sera pour vous avec toutes ses richesses. Vous voyez que je ne marchande pas vos services. » Peut-être y avait-il de l'ironie dans cette promesse du baron, mais le gris, dont la perspicacité ordinaire était émoussée en ce moment, ne s'en aperçut pas. « À la bonne heure, la Roche-Boisseau, dit-il chaleureusement. Je reconnais enfin votre générosité habituelle. Vous serez bientôt au comble de vos vœux. Je vous le prédis. Confiez cette affaire au vieux. Vous verrez ce qu'il en tirera. Le succès est certain, et mon père fera toutes les avances. Je m'en porte garant. Quand je vous disais, baron, que je réussirais. Et encore, voyez comme je suis bon ménager de votre bien. Voici une douzaine de louis que j'ai trouvé moyen de soustraire à la rapacité de notre homme. » En même temps, il présentait dans sa main tremblante les pièces d'or annoncées. La Roche-Boisseau détourna la tête. « Je n'en veux pas, » répliqua-t-il avec mépris. « Vous remettrez cet argent à Fargeau. Il lui appartient. »« Vous n'en voulez pas ?» reprit Legris. « Il y a pourtant des jours où vous n'en avez pas trop, baron, et vous serez heureux de les retrouver au besoin. Je vous les garde donc. Il ne faut pas être si prodigue. » « Ah, mon cher La Roche-Boisseau, » poursuivit-il en changeant de ton tout à coup et en se renversant dans un fauteuil, « vous ne pouvez comprendre quel sacrifice impose l'amitié. Croiriez-vous que je me suis abaissé jusqu'à boire en compagnie de ce manant et à le traiter en camarade ? Et cela devant la Richard et ses servantes qui avaient l'air de me rire au nez. Peut-on s'avilir ainsi ?» Et la réaction continuant, il fondit en larmes. « C'est en s'abaissant parfois que l'on s'élève, » dit le baron. « Vous mettrez Fargeau à la raison. Quand vous serez châtelain de Mercoire ?» Fin de la section 16, lue par Margot.